rappeur, rappeur, dites-moi qui est le plus haut. J'ai passé du rire aux larmes, j'ai pas eu ma dose. Ils menacent, mais t'inquiète pas, ils feront rien. Sans les freins, j'accélère comme un ivoirien. J'suis pas dans leur street, soirée bien arrosée. Le jugement dernier, bien avant l'apogée. Catastrophe, faut s'accrocher, enchaîner les crochets. Enchaîner les trophées, pas enchaîner les procès. Faut le dire, j'suis constamment en progrès. La drogue mon gars, y'a pas besoin de m'en procurer. À part Dieu, personne ne m'a protégé. Les poids lourds ne rappent up avec les poids légers. Assurant son punchline, mon gars t'es dommagé. Trop de sons mon gars, y'a trop de pauses mon gars. Mets ta overdose, mets ta overdose mon gars. J'm'expose, pardon, j'explose mon gars. Où sont passés les bons kickers mon gars? Surveille bien le cul de ta sœur mon gars. Sur mes sons y'a de la sueur. Ne démarre pas, j'suis pas d'humeur. J'suis partout comme leur honneur mon gars. Où sont passés les bons kickers mon gars? Surveille bien le cul de ta sœur mon gars. Sur mes sons y'a de la sueur. Ne démarre pas, j'suis pas d'humeur. J'suis partout comme leur honneur. J'prends de l'ampleur, ma rime me fait que s'étendre. J'suis comme Ben Laden qui revient le 11 septembre. J'fais la diff sur le son, t'es abattu. Le terre-terre, j'connais pas, j'suis un sniffer de rue. Pour les bonnets dames, les kilos, kilogrammes. Et mon gars, c'est le drame. Pour les ahmahmahmar, et on les danne. Les kilos, kilos de flammes. Et mon gars, comme un baby, tu dépends de tes fans. Qui aime pas les bons petits culs rembourrés. Si l'amour ne paye pas, et ben fais-toi rembourser. J'suis du milliard de fois tant mal, le courant passe pas. J'rappe toujours frais, ça leur plaise pas. J'arrive dans ta face comme une patate sur le mec de ta sœur. J'ai toujours un message de paix, comme un ambassadeur. J'suis un sniper, j'suis le rappeur en embusqué. J'suis trop parisien pour porter le maillot marseillais. Mon gars, où sont passés les bons kickers mon gars? Surveille bien le cul de ta sœur mon gars. Sur mes sons y'a de la sueur. Ne démarre pas, j'suis pas d'humeur. J'suis partout comme leur humeur mon gars. Où sont passés les bons kickers mon gars? Surveille bien le cul de ta sœur mon gars. Sur mes sons y'a de la sueur. Ne démarre pas, j'suis pas d'humeur. J'suis partout comme leur humeur. Charlova. Ouais, je mets ta style. Alors, pas trop dégoûté quoi? Je fais un nouveau petit son. Toi, t'es là devant le PC, tu vas me dire espèce de gros bâtard, va. Tu poses des sons, tu m'appelles pas. Noté, j'ai fait ça pour impressionner les filles. Samir, tu bâtard. T'es aussi choqué ou pas? Aïe, Samir, c'est comment ma petite gueule? Wesh, foulec. Ah, tu l'as kiffé la petite rime, là. Quand je dis patate, je sais pas quoi, la ami. Wesh, bacho. Poto, c'est comment? Hein? Bré. On est là ou quoi? Wesh, Tioen. Anthony, sors de l'ordinateur là. Putain, jusqu'à 4h du matin, gros galérien, t'es là. Hein? Ah, Boïka, encore dans tes délires ou quoi? Mon gars, où sont passés les bons kickers mon gars? Surveille bien le cul de ta sœur mon gars. Sur mes sons y'a de la sueur. Ne démarre pas, j'suis pas d'humeur. J'suis partout comme leur humeur mon gars. Où sont passés les bons kickers mon gars? Surveille bien le cul de ta sœur mon gars. Sur mes sons y'a de la sueur. Ne démarre pas, j'suis pas d'humeur. J'suis partout comme leur humeur.